Nyangi. Nous sommes mardi 31 octobre. Bonjour et bienvenue à l'écoute de cette édition. En voici les grandes articulations. Toutes les conditions de lutte contre le Covid-19 sont remplies à l'aéroport international Melchior Ndadaye pour la reprise du trafic aérien, constat hier du comité de crise récemment mis en place. Le 31 octobre de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale de l'épargne. Dans cette édition, nous serons en province Muyinga. Paralysie des activités nécessitant le courant électrique au chef-lieu de la commune Matanassé en province Bururi. Depuis une semaine, la régie des eaux dans cette province tranquillise. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par Albert Ndouayo. Rebonjour et bienvenue. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Parlons transport pour débuter cette édition. Toutes les conditions sont remplies pour la réouverture de l'aéroport international Melchior Ndadaye. Constat du comité chargé de lutter contre le Covid-19 qui a fait une visite à cet aéroport. La soirée de ce vendredi, le ministre Gervain Ndira Kobucha, ministre de l'Intérieur et président de ce comité, dit qu'il va transmettre le rapport au chef de l'État pour que la décision de l'ouverture de l'aéroport international Melchior Ndadaye soit prise. On l'écoute. Les membres du comité public, des préparatifs sur l'aéroport international Melchior Ndadaye, et nous venons de constater que les préparatifs vont bon train et nous allons rendre compte à la plus haute autorité pour décider de la date de l'ouverture de l'aéroport Melchior Ndadaye. Poursuivons cette édition, allons en province Bururi, plus précisément dans la commune de Matana, où on parle d'une paralysie des activités nécessitant le courant électrique à ce centre depuis une semaine. À l'origine, c'est un transformateur de courant électrique abîmé foudroyé au niveau de la régie des eaux centre Bururi. L'on informe être au courant de la situation et que l'on s'active pour redresser la situation. Le point avec Jean-Pierre Misago. La conservation des vaccins et des boissons comme le lait dans les frigos, la soudure, l'utilisation des moulins électriques, des tondeuses, des ordinateurs, la recharge des téléphones portables, les batteries, le pompage du carburant quand les groupes électrogènes sont en panne, telles sont les activités nécessitant du courant électrique qui sont au point mort depuis le 21 octobre de cette année, date à laquelle un transformateur de courant électrique a cessé de fonctionner, foudroyé, au centre urbain de Matana. Depuis lors, ceux qui vivaient de ces activités désespèrent, comme le dit l'administrateur communal de Matana, avec un accent particulier à l'hôpital public de Matana. Dans cet établissement sanitaire, la situation est aggravée par l'arrêt du groupe électrogène à sa disposition après son fonctionnement 24 heures sur 24 heures, selon le médecin chef de district sanitaire de Matana, qui indique que certaines opérations auparavant effectuées dans cet hôpital sont référées ailleurs et des vaccins conservés désormais à l'hôpital de Rutovu. Toutes ces personnes concernées par ce problème demandent l'intervention urgente de la régie des eaux. Onesphore Nizigimana, responsable de la régie des eaux centre Bururi, se veut rassurant. Selon lui, un transformateur tout neuf est déjà disponible et la collecte des accessoires pour sa protection, notamment contre la foudre, est à un stade avancé. Une équipe venue de Bujumbura est attendue à Matana dès ce lundi pour renormaliser la situation, selon son responsable du centre Bururi. Jean-Pierre Misago, depuis Bururi, Radio Isanganiro. De Bururi au sud du Burundi, rendons-nous au nord en province Ngozi où la Suisse, à travers son bureau de coopération au Burundi, s'engage à former 4 médecins psychiatres par an sur une durée de 12 ans, dotés d'enseignants qualifiés en formation d'infirmiers psychiatres et autres en vue de l'intégration de la santé mentale dans les soins de santé primaire au Burundi. C'est après le constat de l'existence de troubles mentaux. A de plus de troubles mentaux alors que les interventions en santé mentale restent limitées. Ceci a été dit hier par Céleus Nisibomana, chargé de programme santé au bureau de la coopération suisse Grand Lac au Burundi. C'était lors du lancement du projet de 12 ans d'intégration de la santé mentale dans les structures de soins dans 4 provinces du Burundi. Le point avec Apollinaire Muzakar. Comme l'indique Séléus Bomana dans une déclaration sortie, la santé mentale au Burundi reste le parent pauvre des autres interventions en santé à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Cependant, selon cette déclaration, des effectifs de personnes atteintes de maladies mentales ne cessent de gonfler à cause de différentes crises survenues dans ce pays. C'est dans l'optique d'accompagner le ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida dans sa politique de santé mentale que la coopération suisse au Burundi a lancé ce vendredi un projet d'intégration de la santé mentale dans les soins de santé primaires des provinces Bujumbura, Mairi, Gitega, Ngozi et Rumonge sur un projet de 12,6 millions de francs suisses, soit 26,5 millions de francs bou durant 12 ans et est réparti en 3 phases de 4 ans chacune. C'est dans ce cadre que la Suisse envisage former chaque année 4 médecins psychiatres dotés d'enseignants qualifiés en formation d'infirmiers psychiatres, en psychothérapie et en psychologie clinique, ainsi que d'autres activités visant l'amélioration de la santé mentale au Burundi. La Suisse promet dans cette déclaration de mettre toute l'expertise nécessaire à la disposition des différents partenaires pour faciliter l'atteinte des objectifs visés dans ce projet. Le lancement de ce projet au centre neuropsychiatrique de Mubuga en province Ngozi ce vendredi était couplé de la célébration de la journée mondiale de santé mentale. Donc aussi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Parlons droits de l'homme à 13h03 dans le studio de la radio Isanganiro. Ne pas avoir les moyens, les droits de défense dans un procès, la détention arbitraire ou illégale sont certaines des violations des droits de l'homme relevées par la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH. Comme le souligne Marius Rusumo, son secrétaire général, qui appelle certains procureurs pointés du doigt de se ressaisir et d'appliquer la loi. On l'écoute au micro d'Armel Moutori. Le droit à la liberté, violation du droit à la liberté. C'est constaté au niveau de la procédure, des gens qu'on détient, des présumés innocents. Alors quelqu'un présumé innocent doit être libre jusqu'à ce qu'il soit déclaré coupable par un tribunal compétent impartial. Deuxièmement, il y a la présomption d'innocence. Ça, c'est corrélé avec le précédent. Il y a aussi la détention illégale et arbitraire. Là, nous l'avons souligné, il y a violation de droit à la défense et violation aussi du droit d'être assisté. Donc défense, présentation de tous les moyens nécessaires. Et parfois, on ne parvient pas à laisser les parties présenter le moyen de défense, l'égalité des armes. Et aussi, parfois, on ne permet pas aux justiciables qui devaient bénéficier d'une assistance légale, donc assistance judiciaire, par des avocats, alors que le juge en avait la compétence de commettre un avocat d'office ou demander au bâtonnier de commettre un avocat pour venir plaider pour le prévenu. Il y a la lenteur judiciaire. Au préjudictionnel, au judiciaire et post-juridictionnel. Préjudictionnel, parfois, les dossiers ne sont pas traités à temps. Il y a donc lenteur dans le traitement au niveau préjudictionnel. Il y a des actes périmés, non renouvelés. Il y a aussi, au niveau juridictionnel, des reports injustifiés ou des dossiers perdus qu'on ne retrouve plus, retardant les jugements. Et au poste juridictionnel, il y a l'inexécution des jugements rendus. Évidemment, d'autres violations que nous avons soulignées. La CNDH plaide auprès des responsables pour que les choses soient corrigées. Et la plupart des fois, c'est corrigé. Mais là, c'est pas corrigé. On continue à plaider pour que les choses puisse s'améliorer en termes de respect des droits de l'homme. L'appel qu'on peut lancer auprès des procureurs, c'est le respect des droits de l'homme, par le respect de la procédure judiciaire, et aussi de jouer leur rôle dans le traitement des dossiers dans le délai raisonnable. Poursuivons cette édition. Le manque de confiance en soi et la pauvreté sont des facteurs explicatifs de la non-inclusion financière de certains ménages, hésitant encore à recourir à l'épargne. À l'occasion de la Journée internationale de l'épargne, célébrée chaque 31 octobre, avec pour but d'inciter la population à conserver leur argent en banque plutôt que chez eux, bon nombre de ménages de Muyinga recourent néanmoins aux caisses d'épargne et crédits communautaires. Le point avec Dieudonné Nzeiman. Avoir un compte bancaire et faire des dépôts n'est pas à la portée de tous. Cet homme parle de privilèges réservés aux seuls individus avec des revenus mensuels. Il indique que le pari est de trouver le repas quotidien. On épargne quand on a répondu aux besoins de la consommation. Épargner est une affaire des salariés, juge-t-il. D'autres ont une représentation particulière de leurs conditions de vie, de nature à ne pas espérer un jour épargner. Cet homme, son nom est Rutibwa Nimbwa, donc misérable. Condition qu'il partage avec certains de ses voisins que nous croisons dans la périphérie de la ville de Muyinga. Le 31 octobre de chaque année, le monde célèbre la journée de l'épargne avec comme philosophie qu'il faut économiser de l'argent pour s'assurer le meilleur niveau de vie et sécuriser l'économie. Et si des gens précisent encore vivre 10 jours au jour, il y a des familles entières qui sont passées par les institutions financières classiques épargnent chaque semaine à travers les associations d'épargne et crédit communautaire qu'on trouve ici et là sur les collines de la province. Muyinga, Dieudonné Nzeyimana, Radio Isanganiro. Merci à Dieudonné Nzeyimana. Selon le réseau des institutions de microfinance RIM, d'une centaine de comptes ouverts en 2012, ils sont passés à plus de 13 000 comptes jusqu'au 31 octobre de l'année dernière. Et selon les chiffres des dernières enquêtes nationales de 2015, le taux d'inclusion financière était de 29,92%. La journée internationale de l'épargne au Burundi sera célébrée le 6 novembre prochain. Poursuivons cette édition. Les filles burundaises jouent un rôle clé dans la production dans la protection de l'environnement au Burundi. Jeannette Kaneza, présidente de l'Association des femmes ingénieures au Burundi, l'a dit hier vendredi lors de la finale du concours des projets générateurs de revenus organisée par la dite association Ariane Nahimana, qui a été classée première dans ce concours, demande à la population burundaise de s'impliquer dans les actes de protection de l'environnement. Le point avec Ornella Mucho. Dans ce final du concours des projets générateurs de revenus pour les filles, la présidente de l'Association des femmes ingénieures au Burundi fait savoir que ce concours a été organisé dans le cadre de sensibiliser les filles sur la protection de l'environnement. L'objectif de ce concours était de promouvoir l'esprit créatif chez les jeunes filles passionnées par l'ingénierie et par les femmes ingénieures. Et on a voulu également continuer la journée qui a été célébrée le 23 juin, qui était une journée internationale de la femme en génie. Et le Burundi a pu être le premier pays africain commémorant cette journée en faveur de la femme en génie. Jeannette Kaneza indique qu'elle va continuer à sensibiliser les bailleurs de fonds pour soutenir ses actions de développement. Aujourd'hui, on n'arrive pas à avoir un bailleur. On compte aller toquer quelque part avec ces finalistes d'aujourd'hui, ces gagnantes, pour pouvoir mettre en œuvre ces projets qui viennent d'être primés. Ariane Nahimana souhaite sensibiliser les citadins afin que ces derniers transforment les déchets ménagers en fumier traditionnel. Elle précise que ceux qui viennent reprendre ces fumiers auront gratuitement l'emballage biodégradable. Le projet que j'ai présenté est à propos des kits de compostage à domicile. On donne aux ménages des kits de compostage qu'ils doivent acheter et après achat, ils font eux-mêmes leur compost et cela permet d'éviter certains problèmes liés au compostage, notamment l'espace. On n'a pas assez d'espace pour composter tous les déchets, mais aussi trier les déchets. C'est pas tout le monde qui est capable ou qui a ce savoir-là de trier ses déchets. Donc, en instaurant ce compostage à domicile et en échange, en utilisant l'emballage biodégradable comme monnaie d'échange, ça permet vraiment de motiver les ménages à le faire et vraiment de préserver la nature et l'environnement sans que ça leur coûte beaucoup. Quatre filles seront appuyées financièrement parmi les 10 qui avaient présenté leur projet dans son concours. Ornella Mucho, la population des collines surplombant le lac Chohoha en commune Kirundo signale des inquiétudes de famine qui pourraient les engloutir suite aux criquets qui sont en train de ravager les champs de culture. L'administrateur de la commune Kirundo, Viateur Habimana, demande aux bienfaiteurs ainsi qu'au ministère de la Solidarité de venir en aide à ces familles qui ont connu cette aléa. Le point avec Abraham Safari. Comme la plupart de la population des collines surplombant le lac Chohoha en commune de Kirundo, à savoir les collines de Kianza, Yaranda et Rukuramigabo, tous s'inquiètent de la famine qui toque à la porte suite aux criquets dont l'origine est jusqu'ici inconnue, qui sont en train de ravager leurs champs de culture. Jusqu'à maintenant, des hectares endommagés par ces criquets ne sont pas encore connus car ils se déplacent du lieu à autre. s'ils remarquent qu'ils sont menacés. Ces témoins sur place nous ont fait savoir qu'ils éprouvent un léger mieux lorsque la pluie tombe. Là, ils les ramassent en grande quantité, mais au contraire, pendant l'ensoleillement, tous restent bras croisés et étonnés de la vitesse de ces criquets. L'administrateur de la commune de Kirundo, Viateur Habimana, ainsi que la population touchée par cet aléa, demandent une aide d'urgence de la part des bienfaiteurs et du ministère de la Solidarité. Cet administratif signale que dans 2 jours seulement, 5 grands sacs étaient déjà remplis de criquets sur la et 2 bidons remplis sur la colline de Yaranda. Il demande également le médicament pour pulvériser les champs de culture, mais ici, le directeur provincial en charge de l'environnement, agriculture et élevage signale plutôt que la solution serait de les ramasser et de les brûler car il n'y aurait pas de médicaments pouvant être utilisés sur toutes les collines attaquées par ces criquets. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio Isangani. Merci à Abraham Safari. Ainsi s'achève cette édition de ce samedi. Ce n'est pas mardi comme je l'avais annoncé en titre. Les grands titres de cette édition. Toutes les conditions de lutte contre le COVID-19 sont remplies à l'aéroport international Melchior Ndadaye pour la reprise du trafic aérien, constat du comité de crise récemment mis en place. Et le 31 octobre de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale de l'épargne. Dans cette édition, nous nous sommes rendus en province Muyinga et en province Bururi, plus précisément en commune Matanaya, paralysée des activités nécessitant le courant électrique depuis une semaine. Mais la régie des eaux dans la province de Bururi tranquillise. Merci donc à vous tous qui avez suivi cette édition. Merci également à Albert Ndouaïo qui a assuré la mise en onde. Tout de suite, vous suivez la revue de la presse. Mireille Kanyang. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous écoutez. Il est sous les feux de critiques, accusé de tout et de son contraire. Le journal Iwachu évoque ici le recensement des fonctionnaires en cours depuis le 26 octobre 2020 et attaqué sur le fond et la forme. Ces derniers estiment que les questions sont trop nombreuses et manquent d'objectivité. C'est l'arbre qui cache la forêt, écrit ce journal. Les syndicalistes dénoncent en effet des questions qui s'attaquent à la vie privée et d'autres qui risquent de compromettre la cohésion sociale. C'est entre autres celle en rapport avec l'ethnie du fonctionnaire, son numéro de compte bancaire, ses sources de revenus, sa géolocalisation, sa satisfaction ou non des prestations syndicales, poursuit le journal Iwachu. Cet hebdomadaire estime que l'État est dans son droit de recenser ses employés afin d'améliorer la gestion des finances et des ressources humaines pour disposer de données fiables et actualisées sur le personnel en écartant notamment les emplois fictifs ou frauduleux. Cependant, Iwachu croit qu'il y avait un grand travail pédagogique à faire en amont pour éviter les appréhensions des fonctionnaires et leurs syndicats. Des échanges entre le ministère et leurs représentants sur les objectifs et la méthodologie à mener pouvaient par exemple prévenir les incompréhensions. Il n'est pas tard, espère son confrère. Pour la voix de l'enseignant, c'est un agenda caché derrière ce recensement. Comme les réponses à ces questions peuvent être la source de persécution des fonctionnaires et de mise à mal de la cohésion sociale en milieu du travail, les représentants des confédérations syndicales COSIBU, CSB et COSESONA ont demandé au ministère de la fonction publique de surseoir à ce recensement et entamer des consultations pour avoir un questionnaire qui rencontre une compréhension commune. Ils se sont exprimés lors d'une conférence de presse organisée mardi 27 octobre 2020, rappelle cet hebdomadaire de l'éducation. De son côté, Burundi Echo considère ce recensement comme une bombe à retardement. Cet hebdomadaire socio-économique rapporte que les syndicalistes recommandent au gouvernement de respecter la réglementation nationale et internationale en matière du travail. À défaut de quoi, ils menacent de recourir à d'autres voies et moyens leur reconnus par les lois nationales et internationales pour défendre les droits des fonctionnaires, écrit Burundi Echo. Revue de la presse. L'agence burundaise de presse rapporte qu'un adepte de l'église adventiste du septième jour a été jugé mercredi par le tribunal de grande instance de Kayanza, siégeant en matière de flagrance. Ce journal précise qu'Ernest Irahonda est poursuivi pour 3 infractions qualifiées de concours idéal d'infractions, entre autres, outrage à un membre du gouvernement. Et ces infractions transparaissent dans un message audio envoyé via WhatsApp dans un groupe dont fait partie le prévenu qui a plaidé coupable, selon toujours son confrère. L'ABP termine sa dépêche en écrivant que le procureur a requis un emprisonnement de 6 mois au moment où l'avocat de la défense a proposé au siège d'infliger à son client une amende de 200 000 francs burundais à la place de l'emprisonnement, et que le verdict sera prononcé lundi prochain. La forêt de la Kibira, une véritable source de revenus pour les Batois, écrit la Nova, qui reprend une étude d'une jeune étudiante au niveau de Master 2 à l'Université du Burundi, qui met en relief les rapports vitaux qui lient la Kibira et les populations voisines. Ce qui retient l'attention de la chercheure sont ces Batois, car ils sont ni cultivateurs ni éleveurs, la poterie ne parvenant plus à les faire vivre, la réserve naturelle répond bien à leur stratégie de subsistance. En effet, explique-t-on dans cette étude citée par ce confrère en ligne, grâce à sa diversité de la flore et ses eaux thermales, la forêt de la Kibira fait vivre la totalité des ménages batois qui côtoient ce parc national. On termine cette revue de presse avec Net Press qui rapporte que 4 hommes, dont 2 originaires de Gatumba dans la commune Mutimbuzi de la province de Bujumbura, ont été tués dans la nuit de lundi 26 octobre. Selon des sources divergentes, ils ont été tués par balle à l'intérieur du commissariat communal de Mutimbuzi, alors que le responsable provincial de la police parle de bandits tués alors qu'ils tentaient de s'évader du cachot après avoir désarmé un policier, selon ce quotidien en ligne, qui cite plusieurs autres témoignages disant que l'un d'entre eux qui a trouvé la mort était en possession d'une grenade. Et c'est la fin de cette revue de presse préparée et présentée par Jean Bosco Nduimana. À la prochaine. Revue de la presse.